بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 25 Rajab de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 26 février 2022. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude du livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, qui est décédé en l'an 620 de l'Hégire. Son livre qui s'appelle Dhammul Waswas, le blâme du waswas. Donc on s'est rendu dans l'étude de ce livre au quatrième chapitre. Le quatrième chapitre dans lequel il a dit Al-Faslu al-Rabi' fi al-ziyadati ala al-ghasalati al-thalath. Pour ceux, donc ce chapitre qui concerne ceux dont leurs ablutions ils font plus de trois fois. Il a rapporté un hadith selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, qu'un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Rawa Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul Allah kayfa at-tuhur fa wasafa lahu al-wudu'a thalathan thalatha ila an qala hakadha al-wudu'u فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم رواه أبو داود. Donc il a rapporté de Amr ibn Shu'ayb, selon son père. Amr ibn Shu'ayb, son père il s'appelle Muhammad. Et son grand-père il s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, le grand compagnon, le grand adorateur et grand rapporteur de hadith parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Son père, c'est aussi un compagnon. Le père de Abdullah, c'est Amr ibn al-As. C'est aussi un compagnon. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails qui concernent cette chaîne de transmission chez les hommes de science. Est-ce qu'elle est authentique ou pas? Cheikh al-Albani, rahimullah, dit de ce hadith en particulier qu'il est hasanun sahih, donc il est authentique, à l'exception d'un terme dans le hadith. Donc pour des savants du hadith, tels que Cheikh al-Albani rahimullah, ils considèrent cette chaîne de transmission comme authentique. D'autres, ils la considèrent comme faible. Lakin, ici, elle est authentique. Le hadith est rapporté dans Sunan Abi Dawood. Sunan Abi Dawood. Selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, son grand-père, un homme, dans une riwaya, un bédouin, un arabi, est venu voir le Nabi alayhi salatu wassalam et lui a dit Kayfa at-tuhur, c'est-à-dire il lui a demandé comment faire les ablutions. At-tuhur avec dam, c'est l'acte. Et tahur avec le fath, c'est l'eau qui est utilisée dans les ablutions. Donc quand on dit At-Tuhur, ça c'est l'acte des ablutions. Et quand on dit At-Tahur, c'est avec quoi on fait les ablutions. Exactement comme dans Suhur. Suhur, c'est l'acte de manger à ce moment déterminé avant le Fajr. Et Sahur, c'est le repas qui est mangé. Donc il lui a demandé comment on fait les ablutions. Nabi alayhi salam lui a enseigné et il a fait trois fois chaque chose dans les ablutions qui se répètent. Yani, comme vous savez, dans les ablutions, tout se fait trois fois, excepté la tête et les oreilles, c'est une seule fois. Donc il a tout fait trois fois, sauf la tête et les oreilles, bien évidemment, car c'est pas légiféré de faire trois fois. Mais pour tout le reste, c'est légiféré de faire trois fois comme le Nabi alayhi salam a fait devant cet homme. Et ensuite, il lui a dit, il lui a dit, c'est comme ça les ablutions. Et dans certaines versions, il lui a dit, c'est comme ça mes ablutions. Et les ablutions des prophètes d'avant moi. En tout cas, ici, il lui a dit, ce qui est dans Sunan Abi Dawud, il lui a dit, c'est comme ça les ablutions. Celui qui fait plus, man zada ala hada, ou naqasa. Naqasa ou celui qui diminue. Faqad asa'a wa zalam. Faqad asa'a wa zalam. Ce rajout qui est ou naqasa. Naqasa, ce terme, il y a des savants qui ont dit qu'il est faible. Car il donne un sens contraire à ce qui est rapporté dans d'autres hadiths authentiques. Que les ablutions, c'est légiféré de faire une fois, deux fois, trois fois. Comment ici, Nabi alayhi sallam, il peut dire, celui qui dépasse les trois, ou qui fait moins, il est tombé, il a commis un mal, il est tombé dans une transgression. Donc, il y a des savants qui ont dit que c'est faible. D'autres ont expliqué ce terme d'une manière qui permet de dire, qui lève cette contradiction. D'une manière qui lève cette contradiction. Ils ont dit, celui qui dépasse les trois, ou qui fait moins, ils ont dit qu'il fait moins d'une fois. C'est-à-dire, il va laver une seule fois, mais pas une seule fois complète. Et ils se sont basés sur un hadith qui est mursal. Un hadith qui est mursal dans lequel ceci est cité explicitement. Celui qui fait plus de trois ou moins d'une fois. Plus de trois fois ou moins d'une fois, il est tombé dans le mal et la transgression. Donc sans aucun doute, trois fois, comme le Nabi alayhi salam a enseigné à cet homme, c'est le summum de la perfection. Mais comme je vous ai dit précédemment, quand les savants ils parlent d'une fois, laver le membre une fois, deux fois, trois fois, c'est pas le nombre de fois où tu prends l'eau. Na'am. C'est la sunna, c'est de laver une fois avec, à chaque fois que tu prends de l'eau. Lakin, ce qui va être comptabilisé pour toi une fois, c'est ce que tu vas faire c'est quand tu vas laver entièrement le membre. Si on prend l'exemple de la main jusqu'au coude, une fois c'est quand tu as lavé la totalité de ce membre avec de l'eau. Contrairement à quelqu'un qui prend de l'eau une première fois, il lave, mais il laisse une partie sans la laver. Il prend une deuxième fois, il lave une deuxième fois. Et c'est à cette deuxième fois qu'il va englober la totalité du membre. Toutes les deux fois là, ça sera comptabilisé pour une fois. Ça, il faut bien le comprendre. Une fois, c'est quand tu as lavé entièrement le membre. C'est pour ça qu'il y a des personnes, comme a dit Ibn al-Arabi al-Maliki, dans Ahkam al-Qur'an, il y a des personnes qui vont laver trois fois, mais en réalité, il n'a lavé qu'une seule fois. Donc, sans aucun doute, le summum de la perfection, c'est trois fois. Et on ne peut pas faire plus. Car plus, c'est une transgression. Et le minimum, c'est une seule fois. Et il est légiféré, des fois, de faire une fois, deux fois, trois fois. Mais quand on fait une fois, il faut faire plus attention à ne pas laisser une partie du membre sans la laver. Car Nabi alayhi salam a vu un compagnon, après avoir fait ses ablutions, il a vu sur lui une petite tache, comme une pièce de monnaie, au niveau de ses talons, qui n'a pas été touchée par l'eau. Il lui a dit, va recommencer les ablutions. il lui a ordonné de refaire ses ablutions, car il n'a pas lavé cette partie du pied. Et dans les ablutions, ils font englober la totalité du membre avec le lavage. Donc ça, c'est des choses, alhamdoulilah, qui sont simples. Mais il faut s'entraîner, il faut faire attention jusqu'à ce que ça rentre yani dans nos habitudes et qu'on fasse les ablutions correctement et rapidement. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à faire les ablutions correctement et rapidement. Yani faire les ablutions normalement, pour quelqu'un qui les fait normalement, ça prend pas plus de 2 minutes. Ça prend pas plus de 2 minutes. Et en utilisant un seul récipient d'eau. En utilisant un seul récipient d'eau. Il a été rapporté de l'imam Darimi que celui qui fait plus de 3 fois, ça invalide ses ablutions. Il a dit de la même manière que dans Salat, quand tu fais 5 rak'at dans Dhuhr, ça invalide Salat. Ça c'est vrai pour Salat, mais c'est pas vrai pour les ablutions. Mais ce qui est juste, c'est ce qui a été rapporté de l'imam Ahmad et de l'imam Ishaq ibn Rahawayh et d'autres salaf. Ils ont dit que c'est pas autorisé de faire plus de 3 fois. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak a dit que il n'est pas à l'abri du péché celui qui dépasse les 3 fois. Celui qui dépasse les 3 fois. Et on va voir d'autres athar qui confirment ces sens. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est de faire 3 fois et de ne pas dépasser 3 fois tout en englobant le membre avec de l'eau. Ensuite, l'imam Ibn Qudam a rapporté une autre version dans laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام a dit فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمْ أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمْ. Celui qui fait plus que ce que le Nabi عليه الصلاة والسلام a fait, les 3 fois devant cet homme, il est tombé dans le mal et l'injustice, ou il a dit, le rapporteur a douté, ou il a dit, il est tombé dans la transgression et l'injustice. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد يزيد على 3 في الوضوء قال لا والله إلا رجلا مبتلى. إسحاق بن منصور dit, j'ai demandé à Ahmad, Abu Abdillah, l'imam Ahmad, Ahmad ibn Hanbal, il lui a dit, est-ce qu'on peut faire plus de 3 fois dans les ablutions? Il a dit non, par Allah, non, excepté un homme qui est prouvé, c'est-à-dire un homme qui est touché par le waswas, c'est lui qui va faire plus de 3 fois. Un homme normal, il ne fera pas plus de 3 fois. Et selon Aswad ibn Salim, قال كنت مبتلا بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ فسمعت هاتفا يقول يا أسود يحيى عن سعيد الوضوء 3 ما كان أكثر لم يرفع فالتفت فلم أرى أحدا فالتفت فلم أرى أحدا. Donc أسود ابن سالم, أسود ابن سالم c'est Abu Muhammad, le grand adorateur. C'était un fiqa, un rapporteur digne de confiance, un grand savant qui est décédé en l'an 213 ou 214 de l'Hégire. Il a dit qu'il était touché par l'ouaswas. Il était touché par l'ouaswas dans les ablutions. Un jour, il est allé à côté du fleuve de Dijla, qui se trouve en Irak, les deux fleuves très connus, Dijla ou Al-Furat, il est allé, il s'est rendu à ce fleuve pour faire ses ablutions. Il a entendu une voix sans voir personne. Il a entendu une voix qui lui a dit « Ô Aswad !» Il a été rapporté de Yahya, selon Saïd. Yani, ce qui est, quand, dans les livres de Salaf, quand ils disent comme ça, il a entendu une voix, ils veulent dire c'est un djinn. Donc ça doit être un djinn qui a la science du hadith. Ça doit être un djinn qui a la science du hadith. Donc il lui a dit, il a été rapporté de Yahya. Yahya ibn Saïd, al-Qattan, al-Ansari, le grand savant du hadith. Parmi les chouyours de l'imam Malik. Il a dit, il a été rapporté de Yahya selon Saïd. Ce qui est voulu par Saïd, c'est le grand imam de Tabi'in, un des plus grands Tabi'i, qui est Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, l'époux de la fille de Abu Huraira, le grand savant de Tabi'in. Il lui a dit, il a été rapporté de Yahya, de Saïd, que les ablutions c'est trois fois. Et ce qui dépasse trois fois n'est pas accepté. Il s'est tourné, il n'a vu personne. Donc ça, c'est un récit qui a été rapporté par le Khatib al-Baghdadi et que l'imam Ibn Qudama a cité ici. Et dans le Khatib al-Baghdadi, il a cité l'histoire entière. Quand tu lui as rapporté ce hadith, yani ce athar selon Saïd ibn al-Musayyib, il lui a dit, t'es qui? Il a dit, Yahya ibn Saïd, l'Ansar, il nous a rapporté selon Saïd ibn al-Musayyib, et il a cité al-Riwaya. Il a cité al-Riwaya. Donc il ne lui a pas dit qui il était, mais il lui a dit que je rapporte cela de Yahya ibn Saïd selon Saïd ibn al-Musayyib. Yani, il lui a confirmé qu'il l'a bien entendu. Bien évidemment, ça c'est pas une preuve, c'est pas une hujja, c'est pas un argument. Lakin, c'est cité dans le contexte où ça confirme tout ce qui est rapporté. Donc on rapporte pas les choses comme ça pour se baser dessus. Car ça représente pas un argument. Mais comme ils disent les savants, pour l'istinas. Walaysa lil-ihtijaj. C'est pas pour que ce soit une preuve. Ce qui est cité est rapporté dans plusieurs ahadiths, plusieurs textes, mais ça, c'est une narration en plus. Ensuite, il a dit l'imam ibn Qudama, وَتَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّائِدَ عَلَى ثَلَاثٍ مُسِيئًا ظَالِمًا يَلْزَمُ مِنْهُ أَلَّا يَكُونَ مِمَّنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي مَنْ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَحْسَنَ وهو خليق ألا ينال بركة الوضوء وفضيلته لغلوه في الدين ومخالفته سنة سيد المرسلين وكونه من جملة المعتدين. Donc il dit, le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام a nommé celui qui fait plus de trois fois dans les ablutions, le fait de l'avoir nommé comme un injuste et comme quelqu'un ayant fait un mal, ça nécessite et ça implique qu'il n'aura pas la récompense de celui qui a bien fait et qui a parfait ses ablutions. Il n'aura pas la récompense de celui qui a parfait ses ablutions. Et vous savez qu'il y a beaucoup de hadith par rapport à celui qui parfait les ablutions. Donc le fait de l'avoir nommé, le prophète عليه الصلاة والسلام, le fait qu'il le nomme injuste et ayant fait mal ses ablutions, il ne rentrera pas dans ses mérites et dans cette récompense qui est promise à ceux qui ont parfait leurs ablutions. Et ensuite, il a dit, il mérite de ne pas bénéficier de la bénédiction de cette adoration, l'adoration des ablutions, et de bénéficier de ses mérites à cause de son exagération dans la religion, et aussi parce qu'il a enfreint les ordres du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi parce qu'il fait partie des transgresseurs. Naam, car Abdullah ibn al-Mughaffal, radiyallahu anhu, le grand compagnon, a rapporté, il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, « Yakunu في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء رواه أبو داود. Donc Abdullah ibn al-Mughaffar radiyallahu anhu nous rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit: il y aura dans cette communauté des gens qui vont transgresser dans les ablutions et dans l'invocation, rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc il va y avoir des gens dans cette communauté, selon ce hadith, qui ne vont pas se conformer à la sunna, et ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, dans leur purification et dans leurs invocations. Dans leur purification, notamment en faisant plus de trois fois. Et en exagérant dans l'utilisation de l'eau aussi. Et je viens de penser à un point, une erreur que j'ai commis la semaine dernière et que m'a mentionné un de mes frères que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a contacté, il m'a envoyé l'erreur, il m'a cité l'erreur. Et quand j'ai traduit Al-Mubadhirin, j'ai dit les gaspillateurs. Gaspiller, j'ai dit gaspillateurs. Le frère m'a rattrapé en me disant que ce qui est juste de dire gaspilleur et non pas gaspillateur. Qu'Allah le récompense en bien et qu'Allah multiplie dans mon entourage des gens qui conseillent et qui le font en plus de la bonne manière. Jazakallahu khairan. Donc ces gens-là, ils vont tomber dans cette transgression, que ce soit dans la purification et aussi dans les invocations. Parmi ce qui est rapporté dans l'ahadith par rapport à la transgression dans les invocations, c'est d'invoquer, de demander à Allah des détails qui ne sont pas rapportés dans les textes. Par exemple, quelqu'un il dit « Oh Allah, donne-moi le paradis et les palmiers du paradis » et les bijoux du paradis, et il rentre dans les détails. Ça, c'est pas légiféré. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le degré le plus haut du paradis, et si Allah il t'accorde le paradis, il va t'accorder le paradis avec tout ce qu'il contient. Et aussi, quand tu cherches refuge contre le châtiment du feu de l'enfer, c'est pas la peine de dire « Oh Allah, préserve-moi contre les morsures des scorpions et des serpents de l'enfer. » Et de rentrer dans les détails. Si Allah te préserve de son châtiment, tu seras préservé de la totalité de ces choses-là. Également dans la transgression de dua, dans dua, c'est de demander des choses qui ne sont pas légiférées. C'est de demander des choses qui ne sont pas légiférées. Et aussi d'invoquer Allah contre quelqu'un qui ne le mérite pas. Il y a d'autres exemples qui sont rapportés dans les textes. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dans le sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Allah n'aime pas les transgresseurs dans surat al-Baqara. Allah, certes, n'aime pas les transgresseurs. Et écoutez ce que déduit Ibn Qudama rahimahullah, ce grand imam, de ce verset, peut-être qu'on lit yani souvent, mais regardez comment les savants ils déduisent les fawaïd des textes. Il a dit: فَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ الْإِنسَانُ إِلَى حَالٍ لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَكُونُ مُسِيئًا مُتَعَدِّيًا ظَالِمًا بِالْفِعْلِ الَّذِي صَارَ بِهِ غَيْرُهُ مُطِيعًا مَرْضِيًا عَنْهُ مَحْطُوطَةً خَطَايَاهُ تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Il a dit: et quelle catastrophe est plus grande que le fait que l'homme devient, yani arrive à un état, arrive à un stade où Allah ne l'aime pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. quelle catastrophe est plus grave que le fait que l'homme arrive à un stade où Allah ne l'aime pas. Il arrive à un état où il est tombé dans le mal, dans la transgression, dans l'injustice, avec son acte. Cet même acte avec lequel les autres deviennent obéissants, obtiennent la satisfaction et l'agrément de leur Seigneur, et avec lequel leurs péchés sont pardonnés. Et les 8 portes du paradis s'ouvrent devant eux, et ils rentrent au paradis de laquelle ils veulent, de laquelle de ces 8 portes ils choisissent. Allahu Akbar. Donc le même acte avec lequel ceux qui se conforment à la sunna et qui ne suivent pas Shaitan, avec ce même acte, il devient aimé par Allah. Obéissant à Allah, Allah est satisfait d'eux. Allah les agrée. Allah leur pardonne leurs péchés. Et leur ouvre les 8 portes. Ils seront appelés par les 8 portes du paradis. Entrez par celles que vous voulez. Allahu Akbar. Et lui, avec le même acte, il devient éloigné d'Allah. Il n'est pas aimé par Allah à cause de cet acte. Et en plus, il enfreint les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Il désobéit au prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne suit pas sa sunna. Ni il ne s'y conforme. Allahu Akbar. Et là, il pose une question. Qu'est-ce qu'il vise avec son acte? C'est-à-dire ses ablutions. Qu'est-ce qu'il vise? Celui qui est touché par le waswas. Qu'est-ce qu'il vise avec ses actes, avec ses ablutions? Si, in qasada bihi taqarruba ila Allah ta'ala, s'il vise de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa kayfa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi ma'siyatihi. Alors, comment il se rapproche d'Allah? Avec sa désobéissance et avec ce qu'il déteste. وَبِمَا نَهَا عَنْهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et comment il peut se rapprocher d'Allah avec ce que son messager a interdit. وَإِنْ قَصَدَ بِهِ طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَقَبُولَ نَصِيحَتِهِ مَا عِلْمِهِ بِفِتْنَتِهِ وَعَدَاوَتِهِ في مخطوطة مع علمه بغشه وعداوته فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Par contre, s'il veut, avec ses ablutions, obéir à Shaitan et accepter son conseil, tout en sachant sa corruption et sa tentation et sa séduction et le mal qu'il veut pour lui, et tout en sachant sa grande haine pour lui, sa grande haine contre lui, alors celui-là est voué à la perdition la plus évidente. فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Voilà par rapport à ce quatrième. Là, on va passer au cinquième. Le cinquième chapitre par rapport à l'waswas dans ce qui annule les ablutions. في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه. Ce qui annule les ablutions parmi les choses qui peuvent sortir de la personne. Il a cité hadith Abu Huraira qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, mais la version que l'imam Ibn Qudama a citée, c'est la version de l'imam Tirmidhi qui a été authentifiée par Sheikh Al-Albani. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. Donc selon Abu Hurayra رضي الله عنه, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit, quand l'un d'entre vous est dans la mosquée et qu'il ressent une sortie de gaz entre ses deux fesses, qu'il ne quitte pas la salat, C'est-à-dire qu'il continue sa salat jusqu'à entendre un son ou sentir une odeur. Jusqu'à entendre un son ou sentir une odeur. Donc ce hadith, il a une histoire, c'est que le compagnon Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, est venu se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam, et lui a dit que des fois, il pense que quelque chose est sorti de lui dans la salat. Il lui a pas dit les gaz. Il y a une faïda importante. C'est pour ça que je le mentionne. Abdullah ibn Zayd, il a dit au prophète, alayhi salam, l'homme, il a l'impression qu'une chose est sortie de lui dans sa salat. Il n'a pas mentionné les gaz, ou l'urine, ou autre. Il a dit ça d'une manière générale. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu par rapport au gaz. Pourquoi? Les savants, comme Nawawi rahimahullah dans l'explication de ce hadith dans l'authentique de l'imam muslim, il a dit tout d'abord, il a dit ce hadith est un hadith extrêmement important qui représente l'argument d'une des cinq plus grandes règles de la jurisprudence. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya al-Kubra wa'adaduha khamsa. Donc ce hadith, il a dit, il représente l'argument d'une de ces cinq plus grandes règles de la jurisprudence. Vous savez, on a une science qui s'appelle Qawa'id al-Fiqhiyya. Cette science qui te donne des règles, avec une seule règle, tu peux connaître plusieurs jugements, plusieurs ahkam dans le fiqh. Plusieurs ahkam dans le fiqh. Et ces règles sont très nombreuses. Mais dans ces règles, il y a cinq qui représentent les plus grandes règles, desquelles découlent toutes les autres règles, qu'on appelle qawa'id fiqhiyya al-khamsa al-kubra, les cinq grandes règles de la jurisprudence. Et parmi ces cinq, il y a une qui s'appelle al-yaqinu la yazulu bi-shak. La certitude n'est pas levée avec le doute. La certitude n'est pas levée avec le doute. Ça, c'est une de ces cinq plus grandes règles. Et l'argument de cette règle, c'est ce hadith. C'est ce hadith. Car ces règles, il y en a qui représentent les mêmes termes d'un hadith. Comme qa'ida, parmi ces cinq aussi, la darara wa la dirar. Ça, c'est rapporté dans le hadith telle qu'elle est. Et ça a été utilisé par les savants comme une règle avec la même expression du hadith. Et d'autres, ça représente le sens d'un hadith, comme al-umuru bimaqasidiha. Les choses ne valent que par leurs intentions. Ça, c'est la première de ces cinq grandes règles et la plus importante, car elle est en lien avec l'intention. Et aussi, cette règle, al-yaqin la yazulu bishak, elle est tirée de ce hadith-là, de son sens. Et la certitude que le gaz est sorti, comment on a cette certitude qu'on a eu une sortie de gaz? Cette certitude, elle arrive en sentant une odeur ou en entendant le son de ce gaz qui est sorti. Quand on entend le son ou on s'entend l'odeur. Si on n'a pas un de ces deux ou là les deux en même temps, si on n'a pas les deux ou là un des deux, on n'a pas la certitude que le gaz est sorti. Et on reste sur l'autre certitude qui a précédé ce doute, qui est d'avoir les ablutions. Et cette règle, elle peut s'appliquer dans toutes les, dans tout le fiqh. Yani ces cinq règles, toutes, elles s'appliquent dans tout le fiqh sans exception. Il n'y a pas un chapitre de le fiqh dans lequel cette règle ne s'applique pas. Par exemple, la certitude n'est pas levée avec le doute. Quelqu'un qui s'est levé avant le fajr, et il a fait ses ablutions, il a prié le fajr. Et après, il est parti travailler. Au moment où il est venu l'heure de dhuhr, il voulait prier, il a eu un doute. Est-ce que j'ai perdu mes ablutions ou pas? Donc pour lui, la certitude, c'est quoi? C'est qu'il a ses ablutions quand il les a fait juste avant le fajr. Mais il ne sait pas s'il les a perdues ou pas. Il a eu un doute. Dans ce cas-là, nous lui disons, la certitude n'est pas levée avec le doute. Tu as toujours tes ablutions. Jusqu'à ce que tu aies une certitude de les avoir perdues. Je vous cite un cas contraire, où la règle est appliquée, la même règle est appliquée, mais ça va nous donner un résultat différent. Quelqu'un, il a prié par exemple le fajr, et ensuite il s'est endormi. Il s'est endormi une heure. Et ensuite il s'est levé, il est parti travailler. Arrivé l'heure de dhuhr, il ne sait pas s'il a fait les ablutions ou pas. Après qu'il soit levé de sa sieste après le fajr. Nous lui disons, la certitude n'est pas levée avec le doute. Et la certitude pour toi, c'est de ne pas avoir les ablutions parce que tu t'es endormi. Et ça, ça annule les ablutions. Du moment que tu n'es pas sûr de les avoir fait après que tu sois levé de cette sieste de après le fajr, tu n'as pas les ablutions. Et tu dois les faire pour prier à dhuhr. La certitude n'est pas levée avec le doute. Et bien évidemment, cette règle, elle s'applique dans toute chose. Elle s'applique dans toute chose. Elle s'applique dans la purification, dans salat, dans zakat, dans tous les domaines de la jurisprudence. Dans salat, quelqu'un, arrivé à la troisième raka'a, il ne sait pas, donc nous on sait qu'il est dans la troisième raka'a, mais lui, il ne sait pas s'il est dans la troisième ou dans la quatrième. Il a un doute. Nous lui disons, la certitude n'est pas levée avec le doute. Et la certitude pour toi, c'est le minimum, 3. Donc, tu es dans la troisième, tu l'as fini et tu te lèves pour faire la quatrième. Car la certitude, c'est le minimum pour quelqu'un qui est dans le doute. Et le doute, c'est l'égalité des deux hypothèses. Il n'a pas un penchant vers un côté. Pour lui, les deux sont égales, 50%, 50%. Il est 50%, il est dans la troisième, 50%, il est dans la quatrième. Là, on lui dit, la certitude n'est pas levée avec le doute. Était dans la troisième, car le minimum, c'est la certitude. Mais par contre, s'il penche, il a un doute, effectivement, entre la troisième et la quatrième, mais il pense plus qu'il est dans la troisième. Là, on lui dit, t'es dans la troisième. Tu mets en pratique ton penchant, la chose vers laquelle tu penches. Il doute entre la troisième et la quatrième, mais il pense plus qu'il est dans la quatrième. Nous lui disons, t'es dans la quatrième. Et en appliquant les règles de la science, tu sors de tous les pièges de Shaitan dans ces adorations qui sont très importantes pour toi. Après, il ne faut pas que Shaitan vienne te dire, si par exemple tu doutes entre la troisième et la quatrième, il te dit, au lieu de mettre en pratique la science qui est rapportée dans l'Ahadith, lui il te fait sa propre fatwa pour te rendre malade et te toucher par l'ouassouas. Il te dit, imagine que tu es dans la troisième. Et toi, avec cette science, tu vas te baser sur la quatrième. Comme le dernier exemple que je vous ai cité. La science dit, la sunna dit, t'es dans la quatrième. Mais l'Iblis, il te dit non. Si tu te dis que t'es dans la quatrième, peut-être que t'es dans la troisième. Et c'est vrai, il a pas menti. Peut-être que t'es dans la troisième. te dit alors ta salat sera invalide. Là, on lui dit, par contre, la, le résultat et la déduction, elle est fausse. La salat n'est pas valide. T'as fait ce que Allah t'a ordonné de faire. Et ta salat est juste et valide. Et s'il y a un manque, Allah il le complétera avec les prières surrogatoires. Mais c'est comme ça que tu dois agir. Car si tu écoutes Iblis et tu te dis de toute façon j'ai rien à perdre, je vais me dire que j'ai dans, je suis dans la troisième, comme ça je suis plus sûr. C'est ça son argument. Ou c'est ça son argumentaire qui va te dire. T'as rien à perdre. Si te, tu te dis que tu es dans la troisième, au moins tu es sûr que tu as fait 4 rak'at. Et si jamais tu as le malheur de l'écouter, tu lui as ouvert une porte et il va continuer à te travailler jusqu'à ce que tu arrives à des degrés où tu contrôles plus rien de ton raisonnement. Wallah musta'an. Ce qu'on appelle le waswas al-qahri. Car c'est nous qui ouvrons la porte pour Shaitan. De cette manière-là. Lakin, al-waswas, alhamdulillah, ça se guérit facilement avec une volonté, une détermination et une science, la lumière de la science. Pour que Shaitan ne soit pas ton mufti. Car si tu n'as pas la lumière de la science, c'est Iblis qui va te faire le fatwa. Va te dire fais comme ça, ne fais pas comme ça. Et quel mauvais conseiller est Iblis. Donc, je reviens à l'faïda avec laquelle j'ai commencé par rapport à ce hadith. Nabi Isa alayhi salam, il a été interrogé par rapport à ce qui sort de la personne dans sa salat quand elle pense qu'il y a eu quelque chose qui est sorti de lui. Et l'homme qui a posé la question, Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, il n'a pas précisé les gaz. Pourquoi le Nabi alayhi salam lui a cité les gaz? Donc le Nabi alayhi salam lui a cité la sortie de gaz parce que c'est ce qui arrive le plus souvent dans la salat. Il lui a cité ce qui arrive le plus souvent dans la salat. Il lui a cité la chose dont il a besoin dans la pratique. Car c'est rare, une personne, elle a une sortie de quelques gouttes d'urine, encore moins d'excréments, pendant la salat. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est les doutes au niveau du gaz. Et on va comprendre pourquoi. Naam, il peut y avoir dans des cas, par rapport à l'urine, ça je sais que ça arrive, et ça arrive surtout à certains de nos frères et sœurs qui sont touchés par le mas, Shaitan il vient et compresse. Il compresse au niveau, j'ai oublié comment on appelle, à de la poche dans laquelle il y a l'urine. En tout cas, il compresse au niveau du ventre pour faire sortir une goutte. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare que les sorties de gaz. La plupart des gens qui sont éprouvés dans ce salat, c'est par le gaz. C'est pour ça que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam l'a orienté aux choses avec lesquelles arrive Naam, la vessie. Barakallahu fik Abdul Karim. Donc, Shaitan, il peut compresser au niveau de la vessie pour donner l'impression qu'il y a de l'urine qui va sortir. Ou la personne qui fait l'erreur de ne pas aller aux toilettes quand elle a au début de sa salat, une petite envie d'aller aux toilettes, elle se dit, je vais patienter, comme ça je vais prier. Et là, Shaitan, il profite. Il faut savoir que Shaitan, il profite de nos petites erreurs comme ça. Donc, il va pouvoir donner l'impression qu'il y a une sortie d'urine, de quelques gouttes d'urine pendant la salat à quelqu'un qui est entré dans la salat avec une envie d'uriner, plus qu'une personne qui n'avait rien. Ça sera beaucoup plus difficile pour lui. C'est pour ça les personnes qui ont ça, même si tu loupes une raka'a, va, fais tes besoins, et fais tes ablutions, et fais salat. Comme ça tu feras salat avec le khushu'. Et c'est vers ça qu'il nous a orienté notre prophète, alayhi salatu wassalam, de ne pas prier en ayant envie. d'aller faire ses besoins. Et dans des cas, ça peut rendre la salate invalide. Si c'est une envie trop pressante, au point où la personne n'a pas du tout de khushu' dans sa salate. Ça arrive à un degré où ça invalide la salate. Dans ce cas-là. Mais sinon, c'est détestable de faire salate en ayant envie d'uriner, par exemple. Donc, Nabi alayhi salam lui a cité avec quoi arrive la certitude d'une sortie de gaz. Ça arrive avec un de ces deux points, ou l'ensemble des deux points. T'entends un bruit, tu sens une odeur. Sans aucune des deux, la certitude, c'est qu'il n'y a rien qui est sorti de toi. Et à la fin, je vais rajouter un hadith que l'imam Ibn Qudama n'a pas cité, mais ça va nous aider encore plus à comprendre pourquoi on ne va pas se baser sur la sensation de la sortie de gaz. J'espère que je ne vais pas l'oublier tout à la fin de ce chapitre. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa fi lafdin, dans une autre version, ou dans un autre terme de ce hadith, فَوَجَدَ حَرَكَةً بِدُبُرِهِ ce qui est dans, quand je suis revenu à Sunan Abi Daoud, ce que j'ai trouvé, c'est pas فَوَجَدَ حَرَكَةً بِدُبُرِهِ j'ai trouvé فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا donc s'il sent un mouvement, yani entre ses deux fesses, comme on a vu précédemment, même s'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui ou pas, il ne doit pas quitter sa salate jusqu'à entendre un bruit ou sentir une odeur. وَقَدْ رُوِّينَ عَنْ مُجَاهِدٍ رحمه الله أنه قال لأن أصلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من أن أطيع الشيطان الله أكبر écoutez cette parole de ce grand imam de Salaf Mujahid le grand mufassir du Coran le grand élève d'une manière absolue de Abdullah ibn Abbas Salaf il disait quand tafsir te parvient de la part de Mujahid limite-toi à ce tafsir. Car il a appris le tafsir d'Abdullah ibn Abbas. Deux fois d'affilée, il lui récite tout le Coran, il l'arrête sur chaque verset, il lui explique. Il a dit, Mujahid, rahimahullah, Mujahid ibn Jabr, sa kunya c'est Abu al-Hajjaj, al-Makki, al-Makhzoumi, qui est décédé en l'an 100 de l'Hégire. Il a dit, لَأَنْ أُصَلِّيَ وَقَدْ خَرَجَ مِنِّي شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطِيعَ الشَّيْطَانِ que je prie en ayant quelque chose qui est sorti de moi est plus aimé et préférable pour moi que d'obéir au shaitan. Ça, il faut le comprendre comme ce qu'on a vu précédemment. Que je prie, sans avoir la certitude qu'une chose est sortie, bien évidemment. Si tu as la certitude qu'une chose est sortie de toi, ça invalide tes ablutions et ça invalide ta salat. Mais lui, il parle du cas où il a des doutes. Et même dans le cas de ces doutes, si on suppose qu'il y a quelque chose qui est sorti, mais lui, il n'a pas la certitude que c'est sorti. Il s'est conformé au texte. Il a dit ça, c'est plus aimé pour moi que d'obéir au shaitan. Car le fait de continuer sa prière, c'est ce qui lui a été ordonné. Il n'est pas dans le péché. Et il s'est basé sur la certitude. Et il n'y a rien qui est venu lever cette certitude. C'est pour ça, il est dans l'obéissance à Allah et dans ce que Allah aime. Contrairement à celui qui interrompt sa salat en se basant sur ses doutes et qui obéit ainsi au shaytan. وبلغني عن بعض السلف أنه وسوس له الشيطان في شيء من هذا فقال أو قد بلغت نصيحتك إلى هذا لا أقبل منك. Regardez comment les salafs, ils étaient intelligents. Ça c'est l'intelligence. Ça c'est le bon raisonnement. Ça c'est l'aql. L'aql c'est ça. C'est ce que ce salaf a dit. Shaytan lui a fait du waswas par rapport à sa salat. Il a fait du waswas comme quoi quelque chose est sorti de lui. Donc Shaytan, il vient comme conseiller. Il te conseille, il veut ton bien. Il y a quelque chose qui est sorti de toi. Va renouveler tes ablutions. Comme ça, tu es sûr de ta salat et de son acceptation. Quand il a eu ce waswas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en s'adressant au shaitan, il lui a dit, t'es arrivé à ce degré du conseil, c'est-à-dire du bon conseil. Je n'accepterai pas de toi. Allahu Akbar. Il lui a fermé la porte. Yani, est-ce que toi tu veux mon bien? Est-ce que toi t'es un bon conseiller? Et il lui a dit, je n'accepterai pas de toi. Continue à faire le SOS comme tu veux. Car moi, je suis les textes. J'ai des textes auxquels je me conforme. Et c'est ce que Allah il veut de nous. وأكثر الفقهاء على أن من كان على طهارة فشك هل أحدث أو لا فهو على يقين الطهارة. Et la plupart des فقهاء, la plupart des juristes de la religion, ils disent que celui qui a fait ses ablutions avec certitude et qui est dans un état de pureté avec certitude, ensuite il a eu des doutes, est-ce que ça a été annulé ou pas, il reste sur la certitude qui est la pureté. وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثِ. Malgré qu'il pense fortement avoir perdu ses ablutions. وَأَنَّهُ لَا يَزُولُ الشَّكُّ عَنِ الْيَقِينِ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ. Et que le doute ne lève pas la certitude. Il ne lève la certitude qu'une certitude égale. Qu'une certitude égale. T'as la certitude d'avoir les ablutions, tu ne te considères comme ayant perdu tes ablutions que quand t'as une certitude. Même si tu penses fortement que c'est sorti, tu doutes, tu penses fortement, je suis persuadé, j'ai senti un geste, yani, comme quelque chose qui est sorti, la réponse, t'as toujours tes ablutions. Et c'est ça la certitude. Et cette certitude par rapport aux sorties de gaz, qui est le phénomène par lequel sont éprouvés la plupart des gens dans le salat, c'est ce qui arrive à la plupart des gens qui souffrent de ce problème dans le salat, c'est au niveau des gaz. Et c'est rare ceux qui ont ce problème par rapport à l'urine ou autre. Donc, cette certitude, elle n'arrive qu'en entendant un bruit de ce gaz ou l'odeur du gaz. S'il n'y a pas l'odeur ni le bruit, tu l'entends avec tes oreilles et l'odeur, tu la sens avec ton nez et avec certitude. Il y en a même là, il y a des personnes qui peuvent arriver. Oui, je suis persuadé, j'ai entendu. On lui dit, t'es persuadé, c'est pas une certitude. La certitude, quand quelqu'un te pince, c'est ça. Tu dis pas, je suis persuadé que tu m'as pincé. Je pense fortement que tu m'as pincé. Non, allez, tu peux jurer par Allah qu'il t'a pincé. C'est ça la certitude. Tant que t'es pas arrivé à cette certitude, tu restes sur l'autre certitude qui est d'avoir les ablutions. Ou qui est que rien n'est sorti de toi dans ta salat. ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء. Donc là, il va terminer avec un point important, un remède prophétique. par rapport à quelqu'un qui était prouvé par le waswas dans ce qui sort de lui. Il y a un remède prophétique, c'est ce qu'il va citer maintenant. Il dit وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ وَسَرَاوِيلَهُ بِالْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الْوَسْوَسَ. Il est recommandé pour la personne, surtout la personne qui est éprouvée par ses waswas, il lui est recommandé d'asperger ses parties intimes, après avoir uriné par exemple, d'asperger ses parties intimes, c'est-à-dire de mouiller légèrement, de prendre un peu d'eau dans la main, yani au niveau des mains, et de faire avec comme ça, au niveau de ses parties intimes, ou au niveau de ses sous-vêtements. Malabisahu dakhiliya aussi. Par exemple, le slip, ou là, le caleçon, ou là, les choses comme ça, de l'intérieur. Ça, c'est recommandé pour lui si il voit qu'il est touché par le waswasa. Là, il y a des personnes, après avoir uriné, il fait ses ablutions, et quand il se dirige vers Salat, il sent comme une goutte qui est sortie de lui. Il va regarder, il trouve effectivement une goutte. Il se dit, ça y est, c'est l'urine qui est sortie, donc là, il doit changer le vêtement qui a été touché par l'impureté. Et s'il n'a pas de quoi le changer, par exemple, il est dans la mosquée, il va le laver avec de l'eau, et ensuite, il va aller faire ses ablutions, et ensuite, il va faire salat, et peut-être que salat, elle sera déjà finie. C'est pour ça un remède pour celui qui est éprouvé par ça. Quand il finit ses besoins, il se purifie et il prend un tout petit peu d'eau dans la main. Il asperge au niveau de ses parties intimes ou là de ses sous-vêtements de l'intérieur. Comme ça, si jamais il a cette sensation et qu'il trouve une goutte, il va se dire c'est l'eau que j'ai aspergée. Il va se dire c'est l'eau que j'ai aspergée. Et il va rester sur ça. Et ça, ça a été rapporté dans un hadith, dans Sunan Abi Dawud, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi, que al-Hakam ibn Sufyan al-Thaqafi, al-Hakam ibn Sufyan al-Thaqafi, du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a rapporté ça du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres ont dit, il a rapporté ça de son père. Il a rapporté ça de son père, du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des savants qui ont dit, le rapporteur qu'on a ici, qui est Sufyan ibn al-Hakam, ils ont dit, c'est pas un compagnon. C'est pas un compagnon, c'est son père qui est un compagnon. C'est pour ça, dans d'autres riwayas, il rapporte ça de son père. Et d'autres savants, ils ont dit, c'est un compagnon. Donc, de toute façon, le hadith est authentique. Hadith est authentique. Donc, Sufyan ibn al-Hakam, il a rapporté, il a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, كان النبي صلى الله عليه وسلم, إذا بال, تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ. Il a dit quand le prophète alayhi salam, il urinait, il faisait ses ablutions et il aspergeait avec de l'eau. Il aspergeait avec de l'eau. Dans une autre riwaya, il a dit, toujours Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi, il a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ. Je l'ai vu uriner et ensuite il a aspergé ses parties intimes, son farj. Après avoir uriné, il a aspergé ses parties intimes. Donc ça a été rapporté par Abu Daoud. Tayyib, on va prendre ce qui est rapporté du prophète alayhi salam. Après, l'imam ibn Qudama a rapporté le même sens de compagnon et de tabi'in. Du prophète alayhi salam, on a ces deux ahadith. Dans les deux, le Nabi alayhi salam il a uriné et après avoir fait les ablutions, il a aspergé avec de l'eau. Les savants ont compris ce hadith de deux façons différentes. La première compréhension, c'est ce qui a été cité par l'imam al-Khattabi dans son livre Ma'alim Sunan, dans lequel il a expliqué des hadiths de Sunan Abi Dawud. Al-Khattabi, c'est le premier qui a expliqué l'authentique de l'imam al-Bukhari. Wallahu a'lam, c'est le premier qui a expliqué Sunan Abi Dawud. Donc l'imam al-Khattabi, et l'imam al-Khattabi, il était sur l'aqida du salaf, dont les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam al-Khattabi, il a dit, l'intidah ici, c'est ce qui est voulu par asperger avec de l'eau, c'est de se purifier après avoir uriné. C'est l'istinja. Se purifier après avoir fait ses besoins. C'est ce qui est voulu. Nabi alayhi salam, quand il urinait, il se purifie avec de l'eau et ensuite il fait ses ablutions. Il a dit, c'est ça le sens de ce hadith. Et il a dit, c'est possible de le comprendre aussi d'une autre manière. Il a cité la deuxième signification qui a été donnée à ce hadith. C'est que, après avoir fait ses ablutions, il prenait de l'eau. Yani, non, c'est pas dans le cadre de la purification après avoir fait ses besoins. L'istinja. Non. Donc, il y a l'istinja, les ablutions, et ensuite, Nabi alayhi salam, il prenait de l'eau, il aspergeait. Il aspergeait sur ses parties intimes. Alayhi salatu wassalam. Et Nawawi rahimahullah a rapporté que cette deuxième compréhension est la compréhension de la plupart des savants et c'est la compréhension la plus juste et c'est celle qui est visée dans le hadith. Et c'est confirmé parce qu'il est rapporté de salaf. Donc, Nabi alayhi salam, effectivement, il l'a fait, il l'a enseigné afin de fermer la porte au waswas. Il fait ça à quelqu'un qui a des waswas. Quelqu'un qui a des waswas au niveau de l'urine, comme j'ai expliqué, il pense qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui, il sent effectivement, yani, comme quelque chose qui sort au niveau du canal de son organe. Il sent, yani, un déplacement après, il sent, yani, quand il regarde, il trouve une goutte. Et ça, il faut savoir que Shaitan, il peut te le faire. Shaitan, il se déplace dans ton corps. Et il peut faire ces choses-là. C'est pour ça, si la personne est touchée par le waswas à ce niveau-là, le remède, quand elle a fini ses ablutions, elle prend un peu d'eau et elle asperge au niveau de son vêtement, ses sous-vêtements, ou là, au niveau de ses parties intimes, ou là, les deux, en même temps. Comme ça, si jamais elle trouve quelque chose, elle se dira, c'est l'eau que j'ai aspergée. C'est l'eau que j'ai aspergée. Taïb. Ensuite, il a rapporté d'Ibn Umar, qu'Allah les agrée, lui et son père, Abdullah ibn Umar, et son père, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, أنه كان ينضح فرجه حتى يبل سراويله. Que Abdullah ibn Umar, il aspergeait, il mouillait, ses parties intimes, jusqu'à voir de l'eau au niveau de ses sous-vêtements ou de ses pantalons. Yani les sarawil, les pantalons qu'il portait. Yani c'était ça qui était au niveau du corps. Donc, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il est rapporté de lui, comme dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, il est rapporté de lui que quand il faisait ses besoins, il prenait un peu d'eau, il aspergeait ses parties intimes jusqu'à ce qu'on voit les traces au niveau de ses sous-vêtements. Jusqu'à ce qu'on voit les traces de l'eau au niveau de ses sous-vêtements. Et aussi, il a été rapporté de Abu Abdillah, il veut l'imam Ahmed, أنه شكا إليه بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال قال ولا تجعل ذلك من همك وله عنه وله عنه ولا تجعل ذلك من همك وله عنه. Donc il a été rapporté de Abu Abdullah, l'imam Ahmed, quelqu'un s'est plaigné auprès de lui par rapport à une humidité qu'il trouve après avoir fait ses ablutions. Quand il fait ses ablutions, il trouve des gouttes. Il lui a dit, il lui a ordonné, yani il lui a recommandé d'asperger de l'eau sur ses parties intimes après avoir uriné. Il a dit ensuite, ne te préoccupe pas par cela et oublie-le. Yani, une fois que tu as aspergé de l'eau, ne viens pas toutes les deux minutes vérifier. Peut-être que c'est sorti, peut-être que c'est pas sorti. Non, tu le fais une fois et après tu vas faire ta salade et tu t'occupes d'autre chose et tu ne restes pas préoccupé par ce point. Car ça, c'est des choses qui viennent de Shaitan. C'est comme ça qu'il lui a recommandé, qu'il lui a enseigné. Wa anil Hassani, il veut par al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le grand imam qui est décédé en l'an 110 de l'Hégire. Ou غيره, ou peut-être que c'est rapporté d'autres que al-Hassan. Ça a été rapporté d'Ibn Umar, ça a été rapporté de al-Qasim, de Maimoun ibn Mihran. Tous, ils étaient interrogés sur ce point, et ils ont répondu de la même façon. Ils étaient interrogés au sujet du même point, que je trouve une humidité, je trouve des gouttes d'eau dans mes sous-vêtements, après avoir fait mes ablutions. Il va uriner, ensuite il fait ses ablutions, il trouve des gouttes, il trouve une humidité, il trouve des choses comme ça. Ils ont tous répondu de la même façon, c'est-à-dire d'asperger de l'eau sur ses parties intimes ou là sur ses sous-vêtements et ensuite de ne pas se préoccuper de cette chose-là et de l'oublier complètement. Ensuite, la personne qui a interrogé, elle a répété la même chose quand elle a eu cette réponse, comme si elle n'était pas satisfaite. Elle a dit « Je trouve des gouttes d'eau, je trouve des gouttes ». Yani pour lui, c'est des gouttes d'urine. Elle a dit, je trouve des gouttes. Il lui a dit, أتستدره لا أبالك قله عنه أو كما قال. Il lui a dit, أتستدره, c'est-à-dire أتستحلبه, tu provoques sa sortie. C'est toi qui vas aller regarder et tu vas appuyer, regarder tes parties intimes. C'est toi qui le provoques. Il a dit « La abalak » yani « Malheur à toi, oublie-le, oublie-le ». Et ça, c'est la même chose que Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit. Cheikh Islam rahimahullah, quand il a parlé des personnes touchées par l'ouswas, il a dit que l'urine, ça sort d'une manière naturelle. Quand tu as envie d'uriner, yani tu n'as pas besoin de faire d'effort. Tu vas aller et ça va sortir tout seul. Et quand ça se termine, ça s'arrête également d'une manière naturelle. Comme ça, il a dit. Et ensuite, il a dit cette formule, cette phrase que les savants répètent. Il a dit, Al-bawlu kad-dar'a, in taraktahu qarr, wa in halabtahu dar. Et subhanallah, il a fait une comparaison, yani Allah mubarak, très très forte. Je ne sais pas si quelqu'un avant lui a fait a donné cette parabole, mais en tout cas, je l'entends toujours, les savants, ils la rapportent de l'imam, Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, il a fait une métaphore, il a comparé la sortie de l'urine à la sortie du lait du sein de la mère. La femme qui a accouché, qui a du lait dans ses seins, vous constatez que le sein, que le lait reste dans le sein. Il sort pas tout seul. Quand est-ce qu'il va sortir? Quand il sera provoqué. Sa sortie sera provoquée. Yani son bébé va téter. Quand il va téter, ça va sortir. Mais dès qu'il relâche le sein, ça s'arrête. Dès qu'il relâche, ça s'arrête. C'est un phénomène tout à fait naturel. C'est la même chose avec l'urine. Si c'est toi qui viens et tu cherches et tu fouilles, t'appuies, ou là, comme disent le mot suicide, même dans certains madahib, tu trouves, yani, ils disent il faut sauter 10 fois pour être sûr que tout est sorti. Et du coup, tu trouves la personne dans les toilettes, elle reste un quart d'heure à sauter. D'autres, même en sautant, ça leur suffit pas. Ils leur disent, tu dois prendre un petit sac dans lequel tu vas mettre du sable. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. C'est pas des choses, yani, c'est une réalité. Ils disent, après avoir sauté 10 fois ou la 20 fois selon ces fuqaha, tu vas prendre un sac avec toi en permanence dans lequel tu vas placer du sable. Et tu vas l'attacher au niveau de tes parties intimes. Comme ça, s'il y a quelque chose qui sort, ça sort dans le sac et ça va dans le sable. Et quand tu viens dans le masjid pour prier, tu retires le sac le sable et tu pries. Et tu trouves dans certaines campagnes, et les savants ils rapportent ça de certains pays où c'est, les gens ils font ça d'une manière yani, apparente, ils sont habillés normalement en kamis, tout ça, ou la djellaba, en dessous un pantalon. Mais quand il vient pour prier, le masjid, il va directement derrière, yani, dans le dernier rang, et il va retirer les pantalons. Comme ça il va prier rien qu'avec le kamis. Il retire les pantalons, il prie avec le kamis. Comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y a pas de l'urine qui est sortie, qui a touché leurs vêtements. Et tout ça, c'est le waswas, c'est les maladies. C'est des phénomènes que les sahaba n'ont jamais connus. Radiallahu anhum. Donc, l'urine, c'est comme le sein de la mère. Si yani, tu vas provoquer la sortie du lait, ça sort. Mais dès qu'il est relâché, quand le bébé il tète, ça sort. Il relâche, ça s'arrête. Hadawa. Donc on termine avec hadith Abi Sa'id, radiallahu anhu, rapporté dans le Musnad. Le Nabi alayhi sallam a dit, « Inna shaytan yati ila ahadikum, wa huwa fi salatihi. » Shaytan, il vient à l'un d'entre vous pendant qu'il est dans sa salat. « Faya'khudhu sha'ratan min duburihi, faya'mudduha. » Il prend un poil d'entre ses deux fesses. Et il le tire. Allah al-Mus'ad. Yani, il prend un poil, comme ça il le tire. Et c'est ça qui lui donne la sensation de cette sortie de gaz. Fayara annahu qad ahdath. Ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, et il a la sensation d'avoir perdu ses ablutions. Et ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, fala yansarifanna hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Qu'il ne quitte pas la salat jusqu'à entendre un bruit ou sentir une odeur. Sans ces deux choses, ou l'une d'entre elles, tu ne dois jamais quitter ta salat, et tu dois continuer salat, et rester sur ta certitude. Car Shaitan, il peut faire ces choses-là, comme c'est rapporté dans ce hadith, qui est hassan, qui est accepté, avec une bonne chaîne de transmission, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Il vient, il va tirer ce poil pour te donner cette sensation. Wallah Moussa. Voilà pour ce 5e chapitre. Il nous reste le 6e. Peut-être on le fera la semaine prochaine. Et s'il nous reste un peu de temps, on va essayer de résumer. S'il ne nous reste pas de temps, on fera une autre séance dans laquelle on va résumer. Je vais vous citer des règles. Un résumé de ce qui est cité dans les livres des hommes de science par rapport à ce phénomène et par rapport aux remèdes, d'autres fawaïd qui ne sont pas cités dans ce livre, mais rien que ce qui est cité, alhamdoulilah, c'est largement suffisant. Mais pour compléter le faïda et que le profit soit plus grand, inshallah, pour nous tous, donc notre rencontre se renouvelle la semaine prochaine au même rendez-vous, inshallah ta'ala, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته